Ambiance CQFD, Natacha Triou. Le jeu vidéo Assassin's Creed Mirage, le dernier opus de la franchise, nous plonge en Irak, dans le Bagdad du 9e siècle. Comment être au plus proche d'une justesse archéologique ? Depuis le lancement de la franchise et ses 18 jeux en tout, qualifiés de fiction spéculative, Ubisoft s'est spécialisé dans la reconstitution historique. Le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle. Alors comment jongler entre liberté créative, plaisir du jeu, tout en évitant l'anachronisme scientifique et l'absurdité historique ? Les défis sont nombreux, surtout quand il s'agit de reconstituer le Bagdad de l'an 861, pendant l'âge d'or du califat abbasside, dont aujourd'hui il ne reste rien. Assassin's Creed, les sciences entrent en jeu. Thierry Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et responsable de la branche recherche chez Ubisoft. Et David Louapre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Ubisoft et par ailleurs physicien et vidéaste scientifique, auteur de la chaîne Science Étonnante. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @sciencesqfd. Vous y retrouverez un plein de ressources complémentaires. Ce live tweet commence tout de suite. Alors comment la recherche scientifique et la recherche en histoire, plus précisément, peuvent-elles servir le jeu vidéo ? Comment se fabriquent les reconstitutions historiques dans cette franchise ? Et quels sont les obstacles à l'authenticité ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec le commencement et avec les tout premiers pas de la franchise. Nous sommes en 2009, c'est notre archive du jour. Voici en avant-première les images d'un jeu attendu dans le monde entier. Il sort dans un mois et demi et ressemble à s'y méprendre à un vrai film d'action. Il est fabriqué ici, à Montréal, dans un quartier baptisé le Nouvel Hollywood. Voici pourquoi. Derrière ces murs, un studio gigantesque. 2000 salariés, moyenne d'âge, 131 ans, un langage très spécial, Azimuth Spring Damping Return on Spot, et des compétences directement puisées dans le 7e art. De plus en plus, dans les dernières années, ici on a engagé des gens qui viennent du cinéma. Donc moi je viens aussi du cinéma, et puis c'est exactement le même processus. Le même processus, le jeu se fabrique comme un long métrage. Le travail de bruitage, minutieusement élaboré. Cet effet-là est absolument pas maniable, c'est comme tu peux voir, je veux dire, même à deux mains, je pense que j'aurais de la misère à faire quelque chose avec. Mais l'idée, c'est que elle a un son très massif. On prend de vrais acteurs, on rajoute le décor, on le colore, et voilà le résultat. Voilà le making-of d'Assassin's Creed aux 20h de France 2 en 2009. C'est la plus ancienne série de jeux au monde, ouverte, développée par Ubisoft. Elle a vu jour en 2007. Elle mêle SF et fiction historique. Thierry Noël, au départ, quelle est l'ambition de ce jeu ? Ah, c'est un jeu qui est né, alors qu'on doit à Patrick Desilets et qui a l'imagination de Patrick Desilets, un certain nombre d'autres personnes effectivement de nos studios canadiens, et qui voulait un jeu d'action-aventure hein, qui mêle à la fois histoire et aussi conspiration et grande aventure tout au long des siècles. Ça a donné Assassin's Creed, qui donc oppose, représente la lutte séculaire entre assassins d'un côté, partisans du libre arbitre, et de l'autre côté, templiers, partisans de l'ordre. Et ça a commencé au temps des croisades, au Levant, et ça s'est ensuite multiplié et reproduit sur plein de périodes dites pivotales de l'histoire, des grandes périodes de l'histoire depuis la Grèce antique, la Renaissance, la Révolution industrielle, l'ère des Vikings, et au cours desquelles on voit et on participe à ce combat séculaire donc entre deux groupes autour de ce que doit être l'avenir de l'humanité. David Louapre, une réaction vous aussi à cette archive et sur les sources d'inspiration du jeu au commencement. Alors, bon, moi, j'étais pas chez Ubisoft à l'époque, mais alors, ce qu'on raconte, c'est qu'une des sources d'inspiration, c'était, en fait, Prince of Persia, donc, un jeu encore plus ancien dont on vient justement de ressortir un nouvel opus, et que, en fait, Assassin's Creed est né comme une sorte de dérivé de Prince of Persia, parce qu'il fallait passer en 3D, et puis, voilà, quand il y a eu des premiers essais qui ont été faits sur des personnages qui escaladaient des murs, des choses comme ça, c'est comme ça, et finalement, Assassin's Creed a fini par voler de ses propres ailes, indépendamment de Prince of Persia, à devenir même en quelque sorte plus célèbre que Prince of Persia. Donc voilà, il y avait cet ancrage dans Prince of Persia, dans l'Orient déjà à l'époque. On entendait dans l'archive que ce jeu, c'est la même mécanique que le film historique, ou même on pourrait se dire aussi le roman. Sur quelle trame narrative repose la franchise Thierry Noël ? Alors il y a donc cette base de lutte entre deux groupes. Hein. Encore une fois, ça a commencé au Levant au temps des croisades, donc on a très vite identifié nos héros et héroïnes, nos joueurs et joueuses sont invités à incarner des assassins, des membres de la secte des assassins, et qui luttent au nom du libre arbitre, au nom de la liberté, contre une gigantesque conspiration mondiale organisée et représentée par un groupe qui est les Templiers, plus généralement, et qui va évidemment se décliner au cours des années. Et qui eux sont des partisans de l'ordre absolu et qui voudraient contrôler l'humanité. Donc ce sont des sujets de lutte entre ordre et liberté qui touchent forcément, qui font appel à des thèmes qui nous concernent aujourd'hui, et le tout sur une base d'action et d'aventure, notamment mentionné le parcours, le fait de pouvoir crapahuter dans tous les sens, de découvrir des secrets, de se balader partout, et notamment de découvrir des périodes historiques et des lieux historiques reconstitués avec soin. David Lohaffre. Oui, alors pour moi, l'ingrédient narratif absolument génial dans Assassin's Creed, qui pour le coup est pas du tout scientifique à l'heure actuelle, c'est donc ce qu'on appelle l'animus, ce qui est cette espèce de technologie qui permet de voyager dans le temps en allant incarner des personnages à partir de vestiges ou de fossiles. Et en fait, c'est une idée absolument géniale parce qu'elle permet de, en quelque sorte, sauter d'une période historique à l'autre d'une façon qui est cohérente avec la narration du jeu et d'une façon qu'on pourrait pas faire si on n'avait pas cette espèce de trick, quoi, de dire ah ben voilà, on a cet ingrédient magique. Donc voilà, c'est ça pour moi le coup de génie de cette franchise. Grâce à cet ingrédient magique, dans chaque jeu, donc une période historique est minutieusement traitée. Ça va de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Comment sont choisies les périodes ? Comment se fait le choix des époques ? Alors en fait, on se rend compte qu'on pourrait couvrir, il y a aucune limite, on pourrait couvrir toutes les périodes, et on aimerait le faire, tous les lieux et tous les moments, et en tout temps et en tout lieu, comme on dit. Le choix, en fait, il se fait, alors c'est un mélange à la fois de coups de cœur des studios qui doivent le développer, et c'est important d'avoir des équipes qui s'approprient un moment historique qui leur correspond, avec lequel ils se sentent identifiés et avec lesquels ils savent qu'ils vont se faire plaisir, mais aussi on prend en compte la volonté et les attentes de nos joueurs et joueuses. On sait très bien qu'il y a des périodes qui leur plaisent. Après, il y a la question de se poser, est-ce qu'il s'agit bien d'une période qui correspond aux attentes d'Assassin's Creed. Les attentes d'Assassin's Creed, c'est ce que nous on appelle une période pivotale de l'histoire. C'est une époque de révolution qui peut être économique, culturelle, politique. Il faut que ce soit une période importante, une période de rupture dans l'histoire, une période de grand changement dans laquelle justement on va assister à ces changements et en être quelque part aussi les acteurs. Et puis il nous faut de l'élévation parce qu'il faut pouvoir monter, ça fait partie du jeu et du gameplay. Il faut pouvoir crapahuter partout, donc il nous faut un petit peu d'élévation, un moment important de changement. Il faut que ça plaise, il faut que ça ait quelque chose d'iconique, comme on dit souvent. Vous dites le Japon, à quelle période au Japon ? Je laisserai préciser plus tard. On verra par rapport justement au choix. Vous dites justement que ces moments qui sont choisis sont des moments de période pivotable de l'histoire, des moments de bascule historique. Là, dans ce dernier opus, on est à Bagdad. Pourquoi le choix de Bagdad, David Lohaffre ? En fait, il y a, j'imagine, au moins deux raisons. La première, c'est que dans cet opus-là, on incarne en fait un personnage qui était un personnage secondaire de Assassin's Creed de Valhalla, donc celui qui se passait chez les Vikings. Et donc, l'initiateur du héros ou de l'héroïne d'Assassin's Creed Valhalla, en fait, venait de Bagdad. Et donc, il y avait l'idée de reprendre ce personnage-là, qui était un personnage secondaire, un personnage non-joueur d'Assassin's Creed Valhalla, et puis d'aller explorer un peu son histoire à l'époque où il était à Bagdad. Et puis, il y avait aussi, je crois, cette idée de faire un peu une sorte d'hommage au premier opus, puisque c'était l'anniversaire, les 15 ans, c'est ça, hein, je crois, du premier opus. Et donc voilà, c'était l'occasion à la fois de rendre hommage et d'explorer un peu cette histoire à travers le fil de ce personnage secondaire d'Assassin's Creed Valhalla. Thierry Noël. Effectivement, et il se trouve que ce personnage qui, effectivement, à l'origine secondaire, hein, Bassim, mais auquel sont attachés hein, les audiences, ce personnage, en plus, venant de Bagdad, il se trouve que quand on a regardé un petit peu ce qui se passait à l'époque à Bagdad, ben, c'est un moment extrêmement important, en fait. Oui, c'est une période de coexistence pacifique de trois religions. On parle d'un âge d'or à cette époque. Alors, effectivement, âge d'or de l'islam, coexistence des religions pacifiques, non sans tension, mais oui, quand même pacifique. Âge d'or à tout point de vue culturel, scientifique, c'est Bagdad, centre du monde tel qu'on le connaît en tout cas dans ces zones-là, cette Bagdad qui connecte l'Europe, l'Asie et l'Afrique depuis donc le Proche-Orient, c'est là que se retrouve, hein, c'est un centre économique et fondamental pour le commerce international, et en même temps, et alors ça c'est très très Assassin's Creed, c'est un moment de crise politique extrêmement fort qu'on appelle l'anarchie à Samarra, souvent suite de révolution de palais, assassinat de calife, etc. Donc on a ce moment de rayonnement et en même temps une crise politique très très forte à Bagdad même. C'était évidemment quelque chose qui pouvait servir à Assassin's Creed. Il pouvait créer un setting, comme on dit, un lieu et un décor extraordinaire pour développer une aventure d'Assassin's Creed. Alors dans le jeu, on incarne donc Bassim, d'abord voleur des rues à Bagdad. Il se retrouve embrigadé chez les assassins. David, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit, l'environnement qui est donné à vivre dans l'exploration de ce monde? Alors, l'essentiel de l'aventure se déroule donc dans Bagdad, même si on peut explorer aussi les environnements. Et puis, il y a aussi une partie, pareil, dans l'hommage, entre guillemets, à l'histoire de la franchise, où on peut passer pas mal de temps dans cette citadelle secrète des assassins, qui est un petit peu excentrée. Mais voilà, l'essentiel de l'aventure se passe dans Bagdad, ses alentours, ou alors dans les murs de Bagdad. On s'attend à du sable et des ruines, mais c'est pas du tout le cas. Non, effectivement, c'est une ville de création récente à ce moment-là, relativement récente. Elle a près d'un siècle. C'est une ville qui est née de rien, hein, ou en tout cas d'une petite base, un petit village qui avait à la base. Elle a été récemment construite. Elle est à son époque, à son apogée. Elle est rayonnante au possible. Et en plus, elle est à l'intérieur hein, de ce croissant fertile hein, entre le Tigre et l'Euphrate, qui est extraordinairement vert et non pas désertique comme on se fait souvent l'idée. Ça fait partie d'ailleurs des éléments qu'on avait tout de suite repérés pour donner ce caractère d'authenticité, se dire non, c'est pas ça. C'est pas ce désert qu'on imagine souvent. Ah, non, au contraire, c'est très très vert et ça fait partie de la richesse de Bagdad. Ouais. Oui, ça a été le berceau de beaucoup des premières civilisations parce qu'il y avait cet environnement extraordinaire où on avait évidemment la chaleur mais l'humidité qui était apportée par les fleuves, les possibilités commerciales et donc voilà, c'est une zone qui géographiquement est incroyable. Ouais, c'est ça, l'eau est abondante. Avec des canaux, des bassins, des fontaines, des jardins luxuriants, des arbres. C'est un décor qui va à l'encontre. On peut imaginer des clichés, des stéréotypes quand on dit Bagdad du 9e siècle. Et alors ça, c'est très exactement ce qu'on aime. Quand on peut, c'est toujours un travail de reconstruction, mais alors si en plus on peut aller contre les stéréotypes ou des clichés, alors là, c'est très précisément ce que Assassin's Creed a toujours apprécié, de reconstituer des époques dans une forme d'authenticité et d'aller à l'encontre, encore une fois, de ce qu'on pourrait imaginer et des erreurs de conception qu'on puisse avoir. Alors évidemment, essayer de recréer une ville antique, ça s'accompagne de son lot de défis, d'autant plus que cette ville a été plus tard détruite et reconstruite. À quelles difficultés avez-vous été confronté lors de la conception du Bagdad du 9e siècle? Et comment avez-vous réussi à les surmonter? Restez à l'écoute. Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Thierry Noël et David Louapre, nous parlons du jeu vidéo Assassin's Creed. Nous sommes en quelque sorte dans les coulisses d'Ubisoft. Sorti le 5 octobre dernier, Assassin's Creed Mirage est le 13e opus de la franchise. 250 personnes ont été mobilisées pendant 2 ans et demi pour l'ensemble de la création artistique, le scénario, la jouabilité et la programmation. Et cela a donné ceci. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Bassim ibn Ishaq, tu es l'un des nôtres maintenant. Yeah, I look for drama. Yeah, I'm chasing karma. See some things that other people can't see. À Bagdad, la cité du soleil radieux, les ombres cachent de nombreuses menaces. Il te faudra trouver ta voie, mais les apparences sont trompeuses. Is it all just a mirage? Is it just a mirage? Voilà, le problème, c'est que Bagdad est détruite avec l'invasion mongole en 1258. Aujourd'hui, reste donc rien de cette ville. Sur quoi vous êtes appuyé pour faire cette reconstitution, Thierry Noël? Alors c'est vrai que c'est un très très gros challenge. C'est toujours un travail de reconstitution, quoi qu'on fasse. Mais alors là, en plus, quand il n'y a rien à voir, ni ruine, ni vestige, c'est extrêmement compliqué. Alors, dans ces cas-là, tout simplement, on va chercher toutes les sources disponibles sur le sujet. Heureusement, et ça commence déjà à l'époque même qu'on voulait représenter, quantité de descriptions de voyageurs et commerçants de l'époque qui visitaient Bagdad et l'ont quand même assez bien décrite et dans les détails, ce qui donnait pas mal d'idées sur le plan général, mais aussi la vie qui existait à l'intérieur de la ville. Et ensuite, des travaux de reconstitution plus tardifs, certes, sur lesquels on pourrait discuter des travaux du 19e, par exemple d'un archéologue, Guy Lestrange, britannique, qui avait travaillé dessus. Alors, dont on pourrait discuter certains aspects, mais un travail de reconstitution tout de même assez poussé et qui fournissait une base, en tout cas une base d'inspiration pour reconstituer Bagdad. Ensuite, des discussions avec historiens, archéologues et autres qui nous parlaient, par exemple, des matériaux. C'était important pour nous de reconstituer cette ville qui était fondée essentiellement sur la brique crue. Quand on a les matériaux, on peut s'imaginer ce que c'est. On peut ensuite aussi aller voir un petit peu plus loin, à la même époque, on a construit ce qui était Samarra, ce qui allait devenir une capitale bis, quelque part un siège du gouvernement et du calife. Donc ça nous donnait des renseignements sur les styles et la forme générale des bâtiments. Le tout, toute cette collecte d'infos a permis notamment à l'équipe de Jean-Luc Salin, le directeur artistique, de reconstituer Bagdad telle qu'elle était. On parle bien sûr de reconstitution de la ville, mais aussi de la vie à l'intérieur de cette ville et de toute l'animation. Par rapport à la ville, justement, vous évoquez Samarra, autre ville irakienne à 125 km de Bagdad, ce qui vous permet donc d'imaginer, de reconstituer ces ruelles. Mais il y a un autre élément architectural qu'on croise dans le jeu, c'est la célèbre maison de la sagesse. Ça, vous avez dû la reconstruire à partir de zéro. Exactement. Et alors, la fameuse maison de la sagesse, où se concentrer, c'était une politique très active des califes de l'époque, de rassembler tout le savoir disponible et d'aller le chercher de manière très active dans le monde grec, byzantin, en Perse, en Inde et au-delà. Il y avait cette volonté de rassembler le savoir pour ensuite pouvoir le reformuler, d'où d'ailleurs les grandes découvertes scientifiques qui ont été données. Cette maison de la sagesse, en fait, on n'en sait pas grand-chose. On ne savait même pas si d'ailleurs ça a été représenté par un bâtiment en soi ou si c'était juste une sorte de rassemblement de personnes. Donc alors là, par contre, il y a tout un travail de reconstitution et d'évocation, d'essayer de se dire on ne sait pas comment c'était, donc comment ça devait. On essaie de réfléchir à comment ça devait être. Et il y a tout un travail qui a été fait par l'équipe donc de Jean-Luc Salah à choisir un édifice, à essayer de trouver ce qui pouvait être présent dedans, notamment les innovations techniques qu'on pourrait y rencontrer, essayer de trouver le personnel qu'il y avait dedans. Donc c'est un travail de reconstitution, mais qui, s'il ne vise pas l'exactitude, essaie en tout cas d'être le plus authentique possible. David Louapre. Oui, alors c'est en fait un des points importants dans l'approche d'Ubisoft dans la création de ces mondes, c'est vraiment cette authenticité. Et une chose qu'on avait l'habitude de dire ou que notre directeur créatif disait, c'est qu'il faut aller sentir l'herbe sur place. Et Thierry, toi qui étais un spécialiste de la Bolivie, vous étiez allé pour Ghost Recon Wildlands, je sais pas, pour Avatar, ils sont allés au Costa Rica pour voir à quoi ressemblait la faune et la flore qui a inspiré James Cameron pour Avatar. Et là évidemment, cette ville complètement détruite, je sais même pas, elle est même pas à l'emplacement de l'actuel Bagdad, c'est ça. Je parle sous contrôle. C'est un petit peu déplacé. Voilà, mais oui. Ça. Mais donc, elle est en dessous. Voilà, rien à aller voir sur place. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué et qui contraste avec ce qu'on essaye de faire d'habitude. La grande précision dans les reconstitutions que mène Ubisoft, ça c'est possible grâce à la mise en place d'une véritable méthodologie en fait qui est fondée sur la rencontre et la collaboration de plusieurs disciplines chez Ubisoft. Oui, absolument. Et donc on a notamment des encyclopédies internes, je crois qu'on peut le dire, où sur les sujets historiques, on écrit des articles. Alors moi c'est ma spécialité, mais j'ai eu l'occasion d'écrire quelques-uns sur des sujets de technologie, par exemple, et où on trouve une quantité d'information qui est bien supérieure à ce qu'on peut trouver sur les bases publiques, par exemple. Donc oui, il y a un vrai... Là, je vais laisser parler Thierry, parce que c'est sa spécialité, mais il y a un vrai travail de documentation. Oui, vous parlez de travail de documentation encyclopédique. Ce sont les World Texture Facility, c'est ça? Exactement, WTF, un acronyme pas si évident que ça, en fait, pas intuitif que ça. Ça fait partie des outils qui sont à disposition. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble? Il paraît que c'est en effet une sorte de base documentaire, de bible de l'univers choisi. Alors moi, oui, exactement. Mon responsable IT n'aimerait pas qu'on dise que c'est une banque de données, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais c'est une base d'inspiration dans laquelle nous concentrons les recherches disponibles et que nous effectuons sur le sujet, quelle que soit la forme, iconographique, textuelle et autres, pour que ce soit disponible tout au long du processus de création des jeux et disponible pour tous les métiers impliqués, graphique, narratif, level design, etc. Ça implique un grand nombre de métiers, la création d'un jeu, chacun avec des besoins spécifiques. Nous essayons d'y répondre. Alors, avec nos propres recherches, les recherches qui sont effectuées aussi par les personnes dans les studios, développeurs dans les studios, et qu'on ne sait pas, en faisant aussi appel à l'expertise externe, quelle qu'elle soit, historienne, archéologue, linguiste, sociologue, toute personne pouvant nous apporter de l'information et mise à contribution, et on concentre le tout dans ces fameux WTF, on en a un par jeu, un spécifique, on a aussi un outil de cartographie qui nous permet de reconstituer nos cartes. Alors là, j'appuie totalement, on a des cartes qui sont, je pense, uniques, on accumule des quantités de données extraordinaires du fait de nos recherches pour pouvoir procéder à ces reconstitutions. Alors, cette unité de recherche dont vous faites partie maintenant, Thierry Noël, au départ, vous êtes historien de formation. Là, vous êtes en charge de trouver toutes les informations possibles nécessaires à vos équipes pour construire les mondes. À quelle étape du développement vous êtes consulté, là, par exemple, pour ce dernier opus? Vous êtes consulté plutôt au début, tout du long, avec des interactions lors du design graphique? En fait, dès le début, en général, on nous propose des pitchs, le sujet de jeu. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le setting. On veut savoir quand et où ça se passe. Donc très très très vite, on se met à faire des recherches à ce propos. On n'est pas nécessairement dans notre équipe, on n'est pas nécessairement spécialiste de ces périodes. Donc nous aussi, on doit apprendre. Il y a un moment, on se met à lire beaucoup, même si on a en général une idée. Et dès le début, on commence à réfléchir là-dessus. On voit s'il est pertinent de le faire, si ça correspond bien. Et ça s'adapte bien à Assassin's Creed et à ses exigences. Et on essaie de fixer les grandes lignes et les cadres de ce que serait une représentation historique de la période. Et ensuite, on va décliner ça tout au long du processus de création des jeux. En général, ça prend plusieurs années. Et ça implique plusieurs centaines de personnes et avec lesquelles on va travailler en essayant de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Vous, David Loapre, directeur scientifique, votre arrivée chez Ubisoft? Donc c'était en 2018 et j'y suis arrivé un petit peu par hasard parce que j'étais physicien de formation, je faisais de la recherche au départ, j'ai fait de la recherche fondamentale puis de la recherche sur les matériaux et j'y suis arrivé à cause de mon activité sur YouTube parce que le directeur créatif de l'époque avait repéré ce que je faisais et puis il avait voulu qu'on se rencontre pour parler de l'impact potentiel de la science dans le jeu vidéo et moi j'y connaissais rien en jeu vidéo mais j'ai trouvé l'idée sympa et c'est comme ça que je suis arrivé chez Ubisoft et voilà, j'y suis arrivé principalement pour travailler on va dire sur deux grand type de sujet, c'est comment on crée des nouveaux types de gameplay à partir de concepts scientifiques, comment on utilise la physique, la chimie, la biologie ou même les sciences sociales pour imaginer des nouvelles mécaniques de gameplay. Et puis une partie qui se rapproche un peu de ce que fait Thierry pour le volet scientifique, c'est-à-dire comment est-ce que je peux aider à la crédibilité ou à l'authenticité quand on a des éléments scientifiques, technologiques. Et ce que j'aime bien dire, ce que j'essaye de faire, c'est que on se rend compte souvent que le fait d'incorporer un regard scientifique, ça ouvre plus d'opportunités que ça n'enferme. Je suis pas là pour faire la police de la science en disant non, ça va pas, c'est pas réaliste. Mais souvent, les gens ressortent de ces discussions-là avec plus d'inspiration que ce qu'on aurait pu leur décourager. Comme vous dites, donc, vous vérifiez certains faits scientifiques ou technologiques qui doivent être mis en avant. Est-ce que vous avez des exemples? Par exemple, on peut travailler sur des choses du genre quels étaient les matériaux disponibles à l'époque. Moi, alors, je trouve que c'était une de mes spécialités, la science des matériaux. Et c'est des choses qui sont pas évidentes parce que, en fait, il y a des matériaux qu'on peut s'imaginer anodins qui, en fait, ont été découverts vraiment très tardivement. Et puis, d'autres, par exemple, qui ont été découverts un peu tardivement, mais qui auraient très bien pu être découverts avant. Il y a un exemple que j'aime bien parce que j'avais un peu travaillé dessus, c'est l'aluminium. Alors, l'aluminium, on pourrait se dire, bon, c'est un métal, c'est assez anodin, on en a la vie de tous les jours. Si on mettait de l'aluminium à Bagdad, il n'y aurait pas de problème. Ben non, en fait, l'aluminium, ça n'existe pas à l'état naturel. Et pour le fabriquer, il faut de l'électricité. Il y a le procédé de fabrication de l'aluminium, il faut de l'électricité. Donc, pas d'électricité, pas d'aluminium. C'est aussi simple que ça. Alors que d'autres métaux, comme le cuivre, on les trouve à l'état naturel, ou comme le fer, on sait les fabriquer à partir de minerais. Donc voilà, il y a des questions sur les matériaux qui sont intéressantes. Et en même temps, on est toujours là, on est dans un jeu vidéo, on a envie d'incarner un héros qui fasse des choses un peu extraordinaires. Et il y a parfois des opportunités de faire des anachronismes qui sont un peu des anachronismes qui auraient pu ne pas en être. C'est-à-dire, voilà, imaginons par exemple qu'on dise, tiens, on veut mettre de la poudre à canon à Bagdad à cette époque. Alors, la date de découverte, enfin, d'invention de la poudre à canon par les Chinois n'est pas hyper claire, mais c'est plutôt autour du 9e, 10e siècle. Donc là, on est un peu au bord de l'anachronisme. Mais en même temps, fabriquer de la poudre à canon, c'était technologiquement faisable. Je veux dire, il suffisait d'avoir les bons matériaux, il y avait des gisements. Alors, on peut être amené à regarder où étaient les gisements à l'époque. Est-ce que c'est crédible que le héros ait pu faire ça? Et donc, voilà, il y a des opportunités comme ça de faire des faux anachronismes. Et des fois, enfin, dans la vraie vie, il y a un peu des anachronismes comme ça qui se sont produits. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est que aujourd'hui, pour faire de l'acier très résistant, on ajoute un métal qui est du molybdène. Ça renforce l'acier. Et c'est quelque chose qui a été découvert au 19e siècle. Sauf que on aurait découvert des épées qui étaient faites par un forgeron japonais du 14e siècle, qui étaient connus pour leur résistance extraordinaire. Et en fait, en les analysant, on aurait découvert qu'il y avait du molybdène avant. Donc, d'une certaine façon, sans comprendre exactement ce qu'il faisait, ce forgeron avait découvert ce secret du renforcement de l'acier par le molybdène. Et puis, le secret s'est perdu et il s'est redécouvert que 5 siècles plus tard. Ouais, finalement, votre travail, ça constitue en quelque sorte le pendant scientifique du travail d'historien fait par Thierry Noël. Ce travail sur Assassin's Creed, ce jeu de reconstitution historique, mettre en place une équipe permanente de recherche, il y a d'autres équivalents dans le monde du jeu vidéo ? Alors, pas que je sache, en tout cas pour la science, je connais pas d'autres directeurs scientifiques dans le jeu vidéo. Thierry Noël. Alors, nos collègues font des recherches à tous les niveaux, que ce soit dans des grands studios ou des studios indépendants. Il y a un travail de recherche qui peut être très soigné, notamment dans la reconstitution historique ou culturelle. Mais c'est vrai que c'est, à ma connaissance, là aussi, c'est en général ponctuel. C'est-à-dire, c'est pour un projet précis. Je pense qu'une particularité d'Ubisoft est d'avoir des équipes, que ce soit scientifique ou pour nous les humanités, comme on dit, d'avoir une équipe en permanence chargée de réflexion et de suivi et de recherche là-dessus, et aussi, comme tu le signalais très bien, de transmission. On est à la fois des chercheurs, mais aussi il y a, je pense que toi comme moi avons rejoint Ubisoft pour la transmission et la capacité à transmettre les choses et à les rendre actionnables et utilisables dans les jeux vidéo. Parce que, évidemment, enfin, nous une thèse de 800 pages sur l'architecture de Bagdad à l'époque, en fait, il faut la lire, puis il faut décortiquer, en sortir ce qui est intéressant. Donc, c'est aussi une des cordes à notre arc de faire ça. Oui. L'aspect pédagogique, on va en parler exactement dans quelques instants. Hein, comment aussi le processus créatif s'empare-t-il de la reconstitution géographique, architecturale et historique? Et peut-on se fier aux reconstitutions faites dans ces jeux? Restez avec nous. On en parle après cette bande-son. Thank you. Bande originale du premier Assassin's Creed en direct sur France Culture, car nous parlons du dernier opus Assassin's Creed Mirage avec nos deux invités du jour, Thierry Noël, historien responsable de la branche recherche chez Ubisoft, et avec David Louapre, directeur scientifique chez Ubisoft, et par ailleurs physicien et vidéaste scientifique, auteur de la chaîne Science Étonnante. Nous venons de parler du dernier opus qui se passe donc dans le Bagdad du 9e siècle, où comment une ville complètement disparue a-t-elle était reconstruite pour le jeu. On a parlé de la méthodologie d'Ubisoft. Alors, un jeu vidéo, le but, ce n'est pas de faire un jeu 100% vrai, mais il y a des détails historiques qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, il faut, j'imagine, une part de liberté artistique. Oui, chaque média est différent et la reconstitution historique, on en trouve dans le cinéma, dans les documentaires, etc., etc. La particularité du jeu vidéo et en particulier d'un jeu vidéo en monde ouvert, comme on dit, hein, comme Assassin's Creed, où on peut se balader partout. Bah, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à montrer. On ne peut pas utiliser les artifices d'autres médias de ne pas montrer ce qu'on n'a pas pu reconstituer ou de cadrer serré pour pas commettre d'erreur. Donc oui, nous, de toute façon, on est obligé de reconstruire. Il faut qu'on montre. Et donc, on doit chercher, on doit essayer de trouver. Comme on le dit toujours, c'est un travail, et dans tous les cas, c'est un travail de reconstitution. Si on peut être exact, on le fait et on va chercher toutes les sources disponibles et tous les moyens disponibles pour le faire. Si on ne peut pas, on essaie en tout cas d'être le plus crédible possible. C'est cette fameuse recherche d'authenticité plutôt que d'exactitude et qui peut se poser à la fois pour tout ce qui est culture matérielle, mais aussi matérielle, comment les gens interagissaient, etc., etc. C'est un travail de reconstitution. Oui, parce que c'est certes du divertissement, mais il y a aussi la question, cette part de liberté des artisans du jeu vidéo, ça peut aussi avoir un impact conséquent sur la représentation historique du grand public, David Louapre. Oui, bien sûr, il y a, je veux dire, pour beaucoup, la plupart des collégiens qui vont jouer à Assassin's Creed vont passer plus de temps dans Assassin's Creed que dans le chapitre dédié. D'ailleurs, je crois que même la période de Mirage est peut-être même pas couverte dans les programmes scolaires. Voilà, ou si on prend l'exemple de ce qu'on avait fait pour la Grèce antique ou l'Égypte, ils vont passer plus de temps dans Assassin's Creed que dans le chapitre dédié dans le cours d'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces représentations qui vont être forgées à partir de ce qu'ils auront pu voir. Donc, il faut essayer d'être soit exact, soit du moins, comme disait Thierry, plausible, vraisemblable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais on fait une extrapolation qui n'est pas déraisonnable, de façon à ne pas raconter quelque chose qui soit totalement implausible pour l'époque. Oui, Jean-Luc Salat, le directeur artistique de Assassin's Creed Mirage, qui nous racontait pour la préparation de cette émission que son rôle dans la direction artistique, c'est aussi montrer aussi ce qu'on ne veut pas dire, c'est-à-dire éliminer les clichés genre Taj Mahal, Aladdin, etc. Exactement, c'est très bien dit. Il y a ce qu'on veut montrer, ce qu'on ne veut pas montrer. Il y a ce que c'est et ce que ce n'est pas. D'ailleurs, ça fait partie de notre travail, hein, de décortiquer les deux pour éviter, encore une fois, tous les stéréotypes, tous les clichés. C'était particulièrement important dans le cadre de Mirage pour précisément pas céder aux tentations de l'orientalisme tel qu'il s'est pratiqué au 19e et continue ailleurs. Enfin, on sait que ce sont des périodes et des lieux qui peut être chargé de clichés et des stéréotypes et parfois très très largement les clichés ça existe mais parfois certains très très contestables et qui peuvent faire du mal. Et donc nous aussi une partie de notre travail est de séparer ces choses-là et de s'en garder. Ouais. Alors, c'est quand même un monde de fiction, donc on y voit des anachronismes. David Louapre, on le disait, c'est d'ailleurs le genre de choses sur lesquelles typiquement vous êtes amené à travailler. Quels sont les anachronismes qu'on peut voir dans l'ensemble de la firme Assassin's Creed ? Oh, alors, il y en a quelques-uns qui sont assez connus. Il y a quoi? Il y a la flèche de Notre-Dame dans Assassin's Creed Unity, par exemple. Donc, Unity qui se passe à la période de la Révolution française, et où, évidemment, il y a Notre-Dame. Et, c'est vraiment très iconique, Notre-Dame. Et en fait, la flèche, la fameuse flèche, qui est tombée il y a quelques années, elle date du 19e, c'est ça, Thierry? 1864, avec la Viollet-le-Duc et voilà, sa restauration. Viollet-le-Duc. Bon anachronisme. Et donc, voilà. Donc, mais c'est un anachronisme qui est assumé pour des raisons d'iconicité. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, parfois, entre le côté iconique et le cliché, en fait, il faut naviguer une ligne un petit peu fine. C'est-à-dire que les clichés font aussi partie des choses qui vont permettre aux joueurs de se raccrocher, de s'immerger. Et donc, quand on fait un anachronisme comme ça, il faut le faire en connaissance de cause et en ayant mesuré ce qu'on est en train de faire. C'est aussi le travail, justement, des historiens de bien montrer où est l'anachronisme, même si à la fin, voilà, la direction créative, entre guillemets, a le dernier mot. Mais autre anachronisme dans cet épisode qui se déroule donc à Paris, à la veille de la Révolution française et jusqu'en 1794, on voit aussi dès le début du scénario les drapeaux tricolores français adoptés en 1974 et on entend l'hymne de la Marseillaise adoptée elle en 1975. Pourquoi de tels anachronismes ? C'est pour respecter justement les attentes des joueurs, les nécessités de jeu ? Effectivement, alors il y a toute une série de contraintes. Hein. D'abord dans les choix qu'on fait, il y a toute une série de contraintes qui se posent au-delà de la volonté de reconstitution historique, comme je disais, d'authenticité. Il y a des choix qui sont gameplay, hein. Parce que c'est drôle, parce que ça apporte quelque chose au jeu, à l'action, à l'immersion. Il y a tout au type de contraintes qui peuvent apparaître. On peut pas toujours tout reconstituer. On peut pas faire des villes aussi grandes qu'elles le sont, même si on peut avoir des cartes qui permettent largement d'explorer et de se faire plaisir. On peut pas passer des heures à aller à cheval quelque part, aller du sud au nord de la Grèce antique à cheval pendant plusieurs jours. Donc on joue hein, sur le temps, sur les distances, sur les tailles, on joue sur les impressions. On a une pyramide hein, dans Assassin's Creed Origins qui respecte les proportions mais est plus grande que celle qu'on représentait. Alors typiquement, ben là, pourquoi ? Parce que qu'on a fait le test et dans la caméra qu'on a un jeu vidéo, en fait elle avait l'air toute mesquine. Quand on l'a représentée telle qu'elle était, ça donnait une impression presque mesquine, en tout cas toute petite. Donc on l'a agrandi parce qu'on voulait qu'elle soit plus grande. Dans le cas de cette fameuse flèche hein, de Notre-Dame, on a fait des tests auprès des joueurs et joueuses et qui identifiaient clairement le bâtiment qu'on représentait comme une cathédrale, mais certainement pas comme Notre-Dame, parce qu'il n'y avait pas la flèche. Et on s'est dit qu'elle était tellement effectivement iconique, comme on dit dans notre entier, qu'il fallait qu'il y ait cette flèche, de la même manière que le drapeau français tricolore devenait un élément irremplaçable. La question étant, et comme le dit David, il faut toujours que ce soit un choix raisonné. C'est-à-dire qu'on le sait, on réfléchit, on pèse le pour et le contre de l'anachronisme d'un côté ou la petite distorsion d'un côté, et à l'inverse des bénéfices qu'on pourrait en tirer en termes d'immersion, en termes de plaisir de jeu, etc., etc. Et on prend un choix raisonné et assumé de le faire. Sachant que nos joueurs et joueuses, en fait, le savent très bien et savent qu'on les questionne là-dessus ou qu'on voit les retours, notamment à travers les réseaux sociaux qu'ils peuvent avoir là-dessus, en fait, identifient très très bien les choix que nous avons faits, les moments où on s'éloigne d'une forme d'historicité ou d'authenticité, sont très très bien identifiés, en fait. Donc, il y a c'est positif. Oui, vous parlez de ces bâtiments iconiques, mais à l'inverse, contre-exemple, il y a l'Acropole ou le Parthénon en Grèce avec l'épisode Assassin's Creed Odyssée, il me semble, David Loapre. Oui, en fait, évidemment, il y a certains bâtiments qui n'étaient pas à l'époque encore construits à l'époque d'Assassin's Creed Odyssée, mais que voilà, pour des raisons pareilles d'iconicité, on a envie de représenter. Et comme disait Thierry, en fait, une des questions aussi, c'est cette question des échelles de taille, c'est-à-dire que on fait des mondes qui typiquement font 8 km par 8 km ou 16 km par 16 km dans le jeu, sauf qu'on veut représenter des distances très grandes. Donc je sais pas, par exemple dans Assassin's Creed Origins, on peut visiter la ville d'Alexandrie qui doit être à quelques centaines de kilomètres des pyramides, et je me demande si on voit pas les pyramides depuis Alexandrie dans le jeu, parce que voilà, on a besoin d'avoir ces repères, on représente un monde de plusieurs centaines de kilomètres sur quelques kilomètres, et donc forcément on distord les échelles de distance. Mais je pense pense que voilà, c'est clair dans la plupart de la tête de la plupart des gens que non, en fait, on ne voit pas les pyramides depuis Alexandrie. Oui, puis c'est ça, vous évoquez ce type de contrainte qui est la question des échelles. Ça a l'air de rien, mais le fait de réduire les dimensions de la ville qu'on veut reproduire comme Paris, par exemple, tout en conservant les dimensions de l'architecture, ça génère des problèmes d'articulation entre les échelles, même pour les concepteurs du jeu. Exactement. Et alors là, heureusement, c'est nos techniciens et techniciennes qui s'en occupent. Il est facile, en tout cas pour des gens comme moi et mon équipe, nous transmettons l'information sur sur ce qu'on sait, notamment des bâtiments, etc. Et ce sont nos équipes et nos designers et designeuses qui se chargent ensuite de réadapter tout ça et de faire des choix et d'essayer de les reconstituer aussi bien et sans donner une impression compactée à l'ensemble. Notamment parce que pour des raisons de gameplay, en fait, on peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des métriques, c'est-à-dire que on va mesurer toutes les choses en termes de combien de fois la hauteur du personnage, est-ce qu'il peut sauter jusque là, etc. Et donc, par exemple, c'est des choses qui sont calibrées dans le gameplay. Et donc, on va dire, on veut que le personnage puisse sauter de tel bâtiment à tel bâtiment parce que c'est le parcours, c'est Assassin's Creed, c'est quelque chose d'iconique. Alors que ça se trouve, les bâtiments sont plus éloignés que ça ou moins éloignés que ça. Donc voilà, on a aussi des contraintes qui sont liées au gameplay, qui sont liées aux métriques du gameplay, qui font que l'organisation spatiale des choses doit se mouler dans ces contraintes-là. Oui, de la même façon, l'organisation spatiale est temporelle. On va beaucoup plus vite à cheval dans les jeux que dans la réalité. Oui, absolument. C'est pareil, sinon il faudrait des jours pour aller d'Alexandrie aux pyramides. Quel autre type d'anachronisme on peut trouver dans le dernier opus, dans justement Assassin's Creed Mirage ? Il y a une représentation en général, en l'absence de sources, encore une fois, pour reconstituer exactement cette Bagdad de 861, l'époque, on a finalement opté pour une représentation générale de ce qu'était l'art et la culture islamique à l'époque. C'est-à-dire qu'en termes de, on peut y trouver aussi des représentations artistiques d'autres régions ou d'autres époques de l'islam, le tout sous contrôle, mais c'était aussi une occasion de représenter toute cette variété artistique, même si des fois anachronique ou anatopique, c'est-à-dire pas forcément au bon endroit. Je pense notamment à des éléments qui correspondent plutôt à l'Andalousie musulmane que pour le Proche-Orient. Après, il nous semblait pas non plus incohérent que Bagdad, centre du monde et centre de l'empire abbasside à l'époque et de l'empire musulman, rassemble et concentre tous les types artistiques qui pouvaient exister à l'époque dans son ère culturelle. Une chose qui est assez amusante sur ces anachronismes, c'est qu'on a une petite frange de joueurs, de fans d'Assassin's Creed qui sont très très à cheval sur ces choses-là. Alors par exemple, une anecdote qu'on m'a racontée, c'est que dans l'épisode qui se passe à Londres sous l'ère victorienne, donc Syndicate, à un moment donné, un trailer avant que le jeu sorte, on voit un train, une locomotive, et le trailer n'était pas sorti depuis 2 heures, qu'il y a des joueurs qui faisaient remarquer que le logo sur la locomotive était faux, car cette compagnie ferroviaire a été créée 2 ans après la date où le jeu était supposé se passer. Quoi. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut aussi composer avec ça. Alors, quelle est la dimension pédagogique des derniers opus de la franchise ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, avec Thierry Noël et David Loapre, nous parlons de la franchise Assassin's Creed, ces jeux vidéo de reconstitution historique, ces tableaux épiques qui invoquent notre mémoire collective. On vient de parler des cas où l'on déroge à la véracité historique, on vient de voir qu'au-delà de l'expertise historique, il y a aussi une expertise culturelle qui est peut-être l'une des clés du succès de la franchise. Mario, superstar, il a été élu héros préféré au Micromania Games Awards, la cérémonie qui récompense les meilleurs jeux vidéo de l'année. S'est fait voler la vedette hier soir par Altaïr, le héros de Assassin's Creed, le grand gagnant de ces Micromania Games Awards qui rafle toutes les récompenses, Hélène Chevalier. Vos hommes l'ont laissé filer. Nous avons essayé de l'arrêter. Mais il manie le sabre et le glaive comme personne. Lui, c'est Altaïr. Et hier soir, il n'a fait qu'une bouchée de ses petits camarades Mario, Rayman et Zelda. Meilleur jeu d'aventure, meilleur scénario, meilleur graphisme et meilleur jeu vidéo sur console de salon. Assassin's Creed, c'est l'histoire d'Altaïr, un assassin qui a décidé de faire sa propre justice pendant la troisième croisade. C'est surtout les graphismes, les décors, les villes de Damas, Jérusalem. L'histoire est vachement bien faite et tout. Les personnages, il y a une vie, quoi. Il y a une intelligence, c'est vachement bien fait. Les acrobaties, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Oran cherche encore ses mots. Geoffroy Sardin, directeur général d'Ubisoft France, sait lui d'où vient le succès de son jeu, qui aura mis plus de 3 ans à être développé. Ça se passe pendant les croisades, c'est vrai que c'est la première fois que l'on a ce genre de scénario dans les jeux vidéo. Il y a aussi l'univers biblique et évidemment de la Terre Sainte, qui a toujours été très onirique et très attirante dans tout ce qui est vidéoludique. Et puis la grande liberté d'action, en fait, lorsque vous jouez Altaïr, vous pouvez aller partout dans les villes telles que Jérusalem, Saint-Jean d'Acre, etc. Et quand je dis partout, c'est vraiment dans la moindre ruelle. Assassin's Creed n'a pas attendu ses Micromania Games Awards pour être un succès. En 3 mois, il a déjà été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Un assassin, tuez-le ! Il va s'échouffer ! Une archive de 2008 sur France Inter. Le succès du jeu depuis ne s'essouffle pas. Thierry Noël, cette part de succès, vous pensez aussi qu'elle tient dans cette part pédagogique ? Oui, je pense qu'il y a un vrai élément. C'est une littéralement l'histoire est un retour dans le passé, un voyage dans le temps. Et je pense que c'est une porte d'entrée à la connaissance historique et culturelle. Et c'est qui est fondamental. Hein, on l'a dit. Hein, c'est même, je pense pour un certain nombre de personnes, c'est leur première découverte de certaines périodes, de certains lieux et de certains faits et aventures historiques. Et donc il y a un vrai, cet élément-là est extrêmement fort de connaissance de l'histoire et quelque part effectivement de pédagogique, sachant que c'est quelque chose que nous avons, dont nous avons conscience. À la fois en termes de responsabilité, hein, ça fait partie aussi des motivations pour lesquelles, c'est pas seulement créatif, hein, pour lesquelles nous souhaitons travailler en authenticité et sur l'authenticité. Et ça a donné lieu, on le sait, à des discovery tours, des éléments liés à nos jeux, à Origins, Odyssey et Valhalla, c'est-à-dire Égypte romaine, grec ancien de la guerre du Péloponnèse, et H-Viking, extensions qui permettent d'aller plus loin dans la découverte des époques traitées et avec des éléments prêtés par des musées, traités par des spécialistes. Donc oui, il y a cette volonté pédagogique aussi. Ouais. On va revenir dans quelques instants justement sur le concept de Discovery Tour, mais d'abord, David Louapre, réaction à cette archive et sur l'importance justement de la part pédagogique dans ces jeux. Oui, je crois qu'une bonne preuve de ça, c'est ce point dont on parlait tout à l'heure, qui est que maintenant, les périodes historiques nous sont réclamées par les fans de la franchise. Ça faisait des années qu'on nous réclamait le Japon, par exemple, qui sera le prochain. Et ça montre que les joueurs ont envie de s'immerger dans ces mondes et aussi de voir comment ces mondes-là vont être traités dans le prisme Assassin's Creed. C'est-à-dire que le Japon, en fait, c'est un sujet qui a été quand même déjà beaucoup traité. On manque pas de péplum sur l'Égypte ou la Grèce. Mais voilà, il y a cette envie de voir comment est-ce que nous, on va mettre notre patte sur ces thèmes historiques et puis y apporter justement ce qui est ce savoir-faire. À l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed Origins en 2017, qui se déroule donc dans l'Égypte ptolémaïque, il me semble, si je dis pas de bêtises, Ubisoft a donc développé cette version musée pour les derniers opus, appelée le Discovery Tour. Alors là encore, on peut peut-être rentrer dans le détail, en quoi ça consiste plus précisément, Thierry Noël ? Discovery Tour est un supplément de nos jeux sans violence et sans combat, qui permet donc à tout âge de découvrir et d'aller les périodes historiques traitées. C'est un exercice développé par Maxime Durand, notre collègue de Montréal, et qui s'est développé, qui a changé au fur et à mesure des formules pour être de plus en plus interactif. Donc on va à la rencontre de personnes de l'époque. Ça peut être pour Valhalla, ça va être un moine anglo-saxon, le roi Alfred, hein, qui va être le père de l'unification anglaise, hein, de ce qu'a devenir l'Angleterre, des commerçants vikings. On va à la rencontre de ces personnes, on va découvrir leur monde, leur culture, donc on va prolonger l'expérience de manière pédagogique. Et encore une fois, le tout appuyé sur des collaborations avec des experts et expertes de la période, historiens, historiennes, etc., linguistes, mais aussi avec des institutions culturelles, des musées. Dans le cas de Mirage, pas de Discovery Tour, dû au format particulier de Mirage. Par contre, une option à l'intérieur même du jeu, le codex Histoire de Bagdad, qui permet de faire les mêmes découvertes. Là, dans ce cas-là, avec des collaborations, notamment avec l'Institut du Monde Arabe à Paris, qui est d'ailleurs avec lequel il y aura bientôt une exposition sur la Bagdad abbasside. Je me permets de le signaler, développé par nos collègues de New Business. Donc, des collaborations qui permettent d'en savoir plus et de manière très précise, et permettent aussi au passage, ces Discovery Tour hein, comme ce codex pour Mirage, permettent aussi de pointer du doigt certaines adaptations que nous avons faites pour le jeu, et d'expliquer pourquoi nous avions pris ces libertés pour le jeu, et à l'inverse de rétablir ce qui pouvait être la connaissance historique qu'on a à ce sujet. David Louapre, qu'est-ce qu'on peut espérer y trouver du point de vue de l'apprentissage et de la vulgarisation dans ces Discovery Tours? Oui, c'est vrai que le Discovery Tour, c'est vraiment une opportunité formidable, parce qu'il faut voir que voilà, quand on fait un jeu, on développe ces mondes immenses, on met une énergie folle pour reconstituer les bâtiments, les textures, la végétation, les personnages. Et quelque part, c'est presque dommage de dire bon, on fait le jeu, puis après, en fait, tout ce décor incroyable, on le jette quoi. Et en fait, pourquoi ne pas le réutiliser ? Et donc, effectivement, le Discovery Tour, c'est vraiment on garde le même décor, mais on change la façon dont on va interagir avec les personnages Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est des choses qui sont assez marquantes. Il y a plein de joueurs qui ont été marqués par leur rencontre avec les personnages historiques dans les jeux, Socrate, Léonard de Vinci, etc. Et donc voilà, l'idée dans les Discovery Tours, c'est d'essayer de prolonger cette expérience et de l'utiliser comme une sorte de musée immersif où on peut naviguer dans la ville, se faire expliquer des choses. Et donc c'est un moyen de prolonger l'expérience, de montrer comme disait Thierry, où est-ce qu'on a choisi de faire des compromis, etc. Et c'est aussi une opportunité pour celles et ceux. Je sais par exemple qu'il y a des enseignants en histoire qui vont utiliser certains passages du Discovery Tour en classe pour montrer des choses. C'est une façon aussi d'incarner d'une façon qui est encore plus vivante que ce qu'on peut voir dans un musée qui est plus statique ou bien simplement sur des planches dans un livre. Et vous, qu'est-ce que vous y avez appris? Alors, moi, j'ai surtout appris à découvrir des périodes que je connaissais pas forcément très très bien. Enfin, je sais pas, par exemple, la période viking, en fait, voilà, moi, j'avais cette image très très cliché des vikings, qui c'est pareil, c'est une période, en fait, qu'on couvre pas vraiment dans les cours d'histoire. Autant, voilà, l'Égypte est un peu couverte, etc. Mais voilà, là, il y avait une opportunité de parler d'une période qui, à la fois, est peu couverte dans les enseignements en histoire, et qui, en même temps, est super iconique, sur laquelle on a l'impression de savoir plein de choses. Donc, le Discovery Tour, c'est vraiment une façon de réutiliser tout ce travail qui a été fait pour essayer de le pousser le plus loin possible. Thierry Noël, on arrive à la toute fin de cette émission. Votre but dans tout ça, c'est de susciter des vocations d'historien, d'historienne ou d'archéologue ? Non, mais en fait, ça marche, je pense. Non, on fait... Dans le fond, on fait des jeux, et je veux dire, avec tout ce que ça a, toute la beauté que ça a. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert... comme toi, en commençant à travailler dans cette industrie, on fait des jeux et c'est quelque chose de très noble et de compliqué à faire et d'extraordinaire. Mais en plus, le fait est que là, et notamment sur une franchise comme Assassin's Creed, il y a l'opportunité de transmettre des connaissances sur l'histoire, sur les cultures, de parler, de montrer beaucoup de choses. Et j'avoue que là, moi, l'historien que je suis, est fasciné. C'est une manière de le faire, c'est une manière originale d'aborder et de manière impactante. On sait maintenant que les jeux ont un impact extraordinaire dans la transmission culturelle et c'est un bon support c'est une belle invitation en tout cas à aller en savoir plus. Et si ça suscite des vocations, et on le sait, c'est déjà arrivé, si ça suscite des vocations d'historien, d'archéologue, de machin, etc., avec le plus grand plaisir. Une manière de faire de l'histoire d'un autre point de vue. Merci à vous deux. Dans quelques instants, on va parler de toute autre chose avec Alexandra Delbo, mais très rapidement, David Louapre, un jeu pour la science de la même manière que Assassin's Creed l'a fait pour l'histoire. C'est une discussion que j'ai eue avec un des directeurs créatifs d'Assassin's Creed quand je suis arrivé, qui m'a dit, moi maintenant, mon rêve, c'est de faire pour la science ce qu'on a fait pour l'histoire avec Assassin's Creed. Donc voilà, peut-être un jour, on aura le Assassin's Creed de la science. On l'attend. Merci Thierry Noël, merci David Louapre. On retrouve à présent Alexandra Delbo et la chronique d'actualité scientifique, c'est la chronique avec science. comment se nourrissaient les Bretons à l'âge de bronze, la période qui succède au néolithique. Cette époque de la proto-histoire a commencé environ 2000 ans avant notre ère pour ce qui est de la côte atlantique et elle est marquée par de profondes mutations sociales, économiques et technologiques, notamment avec l'arrivée de la métallurgie. La population est sédentarisée, les villages se développent, les paysages se transforment, l'agriculture déjà courante au néolithique s'intensifie et la chasse se fait plus rare. Les denrées alimentaires se modifient peu à peu et cette transformation laisse des traces. Camille Elsa-Prévost est doctorante au CEPAM, le laboratoire culture, environnement, préhistoire, antiquité et Moyen-Âge de l'Université de la Côte d'Azur et du CNRS. Les principaux vestiges archéologiques que l'on va pouvoir utiliser pour ce type d'information, on va avoir tous les restes osseux, animaux issus de l'abattage en fait, en général du cheptel, et aussi tout ce qui est issu des collectes de coquillages ou de la pêche. Et du coup, tout ce qui est ustensiles utilisés pour la préparation. Quand je dis ustensiles, ça peut être également des structures type foyer. Et on a énormément d'informations diverses et variées, en fait, qu'on peut extraire de ces structures ou de ces ustensiles ou de ces restes biologiques, matériels ligneux. Donc, à peu près à partir de tout, on peut retirer des informations sur les techniques de préparation ou les pratiques. Et en fait, même à partir des ossements humains, on peut également retirer des informations au niveau biologique et isotopique, par exemple. Alors, on a les informations sur le tartre et les ossements humains qui sont vraiment très, très proches de l'individu. Mais quand on utilise d'autres informations comme sur les ossements animaux ou les structures ou sur les objets, finalement, ce sont des informations indirectes. Il faut donc accumuler beaucoup de ces indices indirects en l'absence de preuves directes comme des restes humains. C'est ce qui explique qu'on a assez peu de connaissances en France de l'impact de ce passage du néolithique à l'âge de bronze sur la façon de se nourrir et encore moins sur ce qu'il se passe dans les littoraux parce que les sédiments résistent moins bien au vent et aux marées. Et en Bretagne en particulier, les sols sont acides, ce qui favorise encore moins qu'ailleurs la conservation des restes biologiques. C'est pourquoi le site archéologique de Bègue-Arlouëd, sur l'île de Molène dans le Finistère, est assez exceptionnel. Il s'agit de deux maisons, occupées à deux périodes différentes, au tout début de l'âge de bronze, et qui permettent de documenter les pratiques culinaires de ses habitants. Et en analysant les résidus de lipides et donc de matières grasses sur la paroi de céramique, cette nouvelle étude révèle la nature des aliments qui ont été préparés dedans. Résultat, ces Bretons consommaient de la viande, des produits laitiers et des produits de la mer, mais ils ne les préparaient pas de la même façon. Les céramiques étaient principalement utilisées pour contenir des graisses animales, donc des viandes, surtout de ruminants ici, et des produits laitiers. Et donc là, c'était particulièrement intéressant parce qu'on venait corroborer tous les résultats de l'étude archéozoologique qui déjà témoignait d'un élevage donc de petits ruminants, type chèvres et moutons, sur l'île, et d'un profil d'abattage qui correspondrait à une exploitation laitière. Donc ça, c'est le premier point qu'on a vraiment été heureux de découvrir, de mettre en évidence. Ensuite, le second est un petit peu méthodologique parce qu'il correspond à la complexité de la composition des graisses d'origine marine. Et le résultat de nos analyses révèle que les poissons et les mollusques qui étaient donc retrouvés dans les amas coquillés sur le site, qui donc portent des traces de consommation, de découpe ou de mise au feu, n'étaient probablement pas préparés en grande quantité dans ces céramiques puisqu'on retrouve pas les biomarqueurs qui sont communément recherchés pour ce type de denrées. Pas de soupe de poisson ni de pâte à la vongolée dans les céramiques, ce qui veut dire que les populations de cette île ne préparaient pas les produits de la pêche de la même manière que le reste. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais en fait, cela témoigne d'habitudes différentes et donc de pratiques et cultures spécifiques. Une cuisson en céramique héritée du néolithique et une autre façon de préparer les produits marins. Reste à découvrir laquelle. Grillée au feu de bois, séchée, salée ou fumée, il faudra aller chercher la réponse dans d'autres sites littoraux et avec d'autres marqueurs pour comprendre si ces pratiques étaient cantonnées à ce territoire insulaire ou si elles se sont répandues sur le littoral du continent. Merci Alexandra et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lozen, Eve Etienne à la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter, chiche, @science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.